بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Puis le cheikh, donc الشيخ علي الخضير حفظه الله، dit فصل، un sous-chapitre. الشيخ أبو ماريا حفظه الله dit en commentaire de la parole de Cheikh Ali: هذا الفصل تابع لباب حقيقة الإسلام. Donc ce sous-chapitre suit le chapitre au-dessus qui est حقيقة الإسلام, la réalité de l'Islam. وفيه شروط كلمة التوحيد. Et dans ce sous-chapitre nous allons trouver les conditions de la parole de l'unicité, à savoir لا إله إلا الله. فمن قامت فيه حقيقة الإسلام بالشروط الثمانية الآتية فهو المسلم. Celui donc qui réalise, ou celui en qui se réalise la réalité de l'islam, celui qui concrétise la réalité de l'islam par ces huit conditions, sera le musulman, sera le véritable musulman. À savoir que dans ces conditions qui vont être mentionnées, il y a des conditions qui sont des shurut, des conditions de l'islam al-haqiqi. Donc toutes ces conditions qu'on a mentionnées sont des conditions qui vont être mentionnées sont des conditions de l'islam al-haqiqi. Et d'autres sont des conditions, toutes les conditions qui vont être mentionnées sont des conditions de l'islam al-haqiqi. Quant à l'islam al-hukmi, l'islam qu'on peut qualifier d'islam en apparence, celui-ci peut être affirmé même si certaines des conditions qui vont être mentionnées ne sont pas réalisées. De toute manière, je vais expliquer, inshallah, ce point-là. À savoir que l'islam al-haqiqi, l'islam réel, c'est celui qui permet d'entrer au paradis. L'islam al-hukmi, l'islam statutaire, c'est celui par lequel on juge les gens en apparence de musulmans et par conséquent on leur accorde les droits des musulmans et les devoirs leur sont imposés aussi, les devoirs qui incombent aux musulmans. الشيخ الخضير دي وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله تعالى دي sache donc qu'il n'y a de véritable Dieu et de véritable divinité digne d'être adoré qu'Allah. وروى الإمام مسلم وروى مسلم رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et Uthman, l'imam muslim rapporte selon Uthman, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah entrera au paradis. Al-Sheikh Abu Mali a dit, wa hadha huwa shartu al-ilm, cette condition est la condition de la connaissance, wa dhidduhu al-jahl, et son opposé est l'ignorance, wa al-ilmu min qawli al-qalb, et la science fait partie de ce qu'on appelle les paroles du cœur, à savoir les convictions du cœur. D'accord ? Elle fait partie des convictions du cœur, des convictions du cœur qu'on appelle en arabe qawlul qalb. Taïb. Fa'ida. Qawlul qalb yuradu bihi l'umur li'atiqadiyya. Ici, une précieuse information. Lorsqu'on parle des paroles du cœur, qawlul qalb, retenez bien cette terminologie qui est qawlul qalb. Lorsqu'on parle des paroles du cœur, ce qui est visé, ce sont tout ce qui entre dans le domaine des convictions, dans le domaine des conceptions. At-tasawwurat, al-i'tiqadat. D'accord? Donc, qawlul qalb, les paroles du cœur égale les convictions, les conceptions du cœur égale la connaissance du cœur. Retenez ça. Les paroles du cœur égale les connaissances du cœur. Les paroles du cœur égale les connaissances du cœur. D'accord? Tayyib. À savoir que la connaissance, al-ilm, est une condition de la validité de l'islam al-haqiqi, de l'islam réel, de l'islam qui permet d'entrer au paradis. Pourquoi je dis ça? Imaginez qu'une personne dit la ilaha illallah en apparence, alors qu'il ne sait pas le sens de la ilaha illallah, mais il le dit tout de même. Et que durant toute sa vie, il ne montre pas qu'il ne sait pas le sens de la ilaha illallah. Mais en apparence, il n'adore qu'Allah, il ne lui donne aucun associé. Alors qu'en réalité, il ne sait pas et il a un doute sur le fait que seul Allah mérite d'être adoré. Donc cette personne, durant toute sa vie, nous allons nous comporter avec lui comme un musulman. Donc nous lui affirmerons l'islam al-hukmi, statutaire. Mais quant à l'islam al-haqiqi, l'islam réel, cette personne ne l'a pas réalisé, car il n'a pas réalisé la première condition des conditions de la ilaha illallah, à savoir al-ilm. Mais si un jour il prononce une parole ou fait un acte, et que cette parole ou cet acte sont explicites dans l'indication de son ignorance du sens de la ilaha illallah, à ce moment-là, nous dirons que cette personne n'est plus musulman. D'accord ? Même en apparence. Pourquoi ? Car il a prononcé une parole et fait un acte qui en soi sont annulatifs de l'islam. D'accord ? Car il a prononcé une parole et un acte qui en soi sont annulatifs de l'islam. Donc cette parole ou cet acte-là seront la cause de sa mécréance et la cause de sa sortie de l'islam. D'accord. Et cette parole et cet acte-là auront pour origine l'ignorance du sens de la ilaha illallah. D'accord. Wa qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna al-ayata ay akmil al-ayata والآية بأكملها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله الحديث أي الحديث لأن الشيخ لم يكمله وقال الحديث أي أكمل الحديث كما سبق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. La deuxième condition. La deuxième condition, le cheikh dit donc, Allah Ta'ala dit, dites, nous avons cru en Allah et en ce qu'il a, wa ma unzila ilayna, et ce qui nous a été révélé, et ce qui a été révélé, wa ma unzila ila Ibrahim, et ce qui a été révélé à Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wa al-Asbat, wa ma outiya Moussa, et ce qui a été accordé à Moussa, wa Isa, et Isa, wa al-Nabiyyuna min Rabbihim, et les prophètes de la part de leur Seigneur, là nous faisons بين احد منهم, nous ne faisons aucune distinction entre eux, c'est-à-dire dans l'acceptation de leur message. Wa nahnu lahu muslimun, et nous lui sommes soumis, c'est-à-dire nous sommes soumis à Allah. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il me fut ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa salatu ala nabi huna min babi shibin babi al-hikaya. Min babi al-du'a, afwan. Min babi al-du'a. Wa in lam tuzkar fil hadith. Lorsqu'on fait al-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam en rapportant un hadith, bien que dans le hadith, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été mentionnée, c'est ça entre dans le domaine de la du'a. Et il n'y a pas de mal à ça, car nous ne falsifions pas le texte qui a été rapporté. Simplement, nous faisons une du'a là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ad-du'a, comme l'ont cité Ahlul Ilm. Wa iqamati wa iqimu salah, donc il me fut ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et que Muhammad est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils accomplissent la prière et donnent la zakat. S'ils agissent de la sorte, ils auront alors préservé de moi leur sang et leur bien, et leur jugement revient à Allah. Ils auront préservé de moi leur sang et leur bien. Si on dit que ce qui est visé par les gens ici, ce sont les mushrikines parmi les arabes, comme l'a mentionné le Khattabi rahimahullah ta'ala, c'est le seul moyen par lequel leur sang et leur bien sont préservés. C'est le seul moyen par lequel leur sang et leur bien sont préservés, car ils n'étaient acceptés des mushrikines parmi les arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'islam. La seule chose par laquelle leur sang et leur bien pouvaient être préservés, c'était l'islam. Et en aucun cas, ils ne pouvaient payer la jizya et donc rester sous la tutelle de l'État islamique du chef des croyants. Et s'ils agissent de la sorte, leur sang et leur bien me seront alors sacrés, et leur jugement revient à Allah, c'est-à-dire... Après, est-ce qu'ils sont sincères ou pas, ceci revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui les rétribuera de leur sincérité ou leur absence de sincérité. Tayyib. Al-Sheikh Abu Mali a dit Al-Shartu Thani Qawlul Lisan. La deuxième condition des conditions de la ilaha illallah, c'est la parole de la langue. La parole par la langue. Wa didduhu sukut. Wa didduhu as-sukut. Ta'ammali al-haditha wa al-ayata. Donc la deuxième condition des conditions de la ilaha illallah, c'est la parole par la langue, de prononcer le témoignage de foi. Donc celui qui ne prononce pas le témoignage de foi, alors qu'il en a la capacité, ni son islam en apparence, ni son islam réel ne seront acceptés. Ni son islam en apparence, ni son islam réel ne seront acceptés. Je répète, ni son islam en apparence, donc nous ne statuerons pas de son islam et il n'aura pas les droits des musulmans en apparence, ni lui incomberont les devoirs qui incombent aux musulmans. Quand je dis ici, ne lui incomberont pas les devoirs qui incombent aux musulmans, c'est-à-dire que sous l'ombre d'un État islamique, il ne lui sera pas imposé ce qui est imposé aux musulmans. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rendre des comptes pour le fait d'avoir délaissé ce qui était une obligation pour le musulman, telle que la salat et autres. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle des gens de l'enfer. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Donc les gens du paradis vont dire aux gens de il va être dit aux gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a emmené As-Sa'ir, en enfer, dans une partie en enfer, qui s'appelle As-Sa'ir. Ils diront, lam lakum min al-musallin, nous ne faisions pas partie du nombre de ceux qui accomplissaient la prière. Or, l'accomplissement de la prière n'est pas la première chose qui est demandée aux musulmans, ou qui est demandée aux non-musulmans. D'accord? Donc, si le fait d'abandonner la prière les koufars, les mécréants, n'étaient pas châtiés en enfer pour leur abandon de la prière, pourquoi leur est-il mentionné ici? Donc on voit que les mécréants seront aussi châtiés pour avoir abandonné les actes qui étaient obligatoires aux musulmans alors qu'ils savaient qu'ils étaient obligatoires. De même qu'ils seront châtiés pour avoir fait ce qui était interdit tout en sachant que c'était interdit. D'accord? Donc je répète, l'islam, la parole par la langue, c'est-à-dire prononcer le témoignage de foi, est une condition de la validité de l'islam en apparence, et c'est une condition de la validité de l'islam intérieur aussi, de l'islam réel, de l'islam qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et par lequel on entre au paradis. Par conséquent, celui qui a la capacité de prononcer le témoignage de foi, mais ne le fait pas, ceci est une preuve que cette personne-là n'est pas véritablement croyant. Donc ni son islam en apparence, ni son islam réel ne seront acceptés. D'accord? Puis Cheikh Ali al-Khudhayr hafizahullah dit wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, Allah Ta'ala dit, certes les croyants ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager puis qui n'ont eu aucun doute. Wa fil hadith, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, لا يلقى الله بهما شاك لا لا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Nul, il n'y a pas un serviteur qui rencontre Allah avec ces deux témoignages de foi, savoir la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, sans avoir aucun doute, sans avoir de doute sur ces deux témoignages de foi, si ce n'est qu'il entrera au paradis. Donc s'il y a un serviteur qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ses deux témoignages de foi, sans qu'il n'ait de doute sur ces deux témoignages de foi, il entrera au paradis. Al-Sheikh Abu Mali a dit Al-Shartu Thalith Al-Yaqin, la troisième condition contenue dans ce verset et dans ce hadith, c'est la certitude, et son opposé est le doute. Wal-Yaqin min qawli al-qalb, et la certitude est une parole du cœur. La certitude est une parole du cœur car elle rentre dans le cadre des connaissances. Je répète, qawlul qalb égale ma'rifatul qalb. La parole du cœur égale la connaissance du cœur. Qawlul qalb yu'adilu aw na'am. Qawlul qalb yusawi aw yu'adilu qawla al ma'rifatul qalb. Donc la connaissance, la parole du cœur égale la connaissance du cœur. Donc la certitude est une condition de la validité de l'islam réel. La certitude est une condition de la validité de l'islam réel. Maintenant, si quelqu'un nous ment et dit la ilaha illallah, et dans sa vie il ne commet aucun acte annulatif de l'islam en apparence, cette personne durant toute sa vie, nous statuerons qu'il est musulman. Donc nous lui affirmerons l'islam al-hukmi, statutaire, c'est-à-dire l'islam en apparence. Quant à l'islam réel, cette personne-là, lorsqu'il mourra, il rencontrera Allah en étant kafir, en étant mécréant. Car réellement, cette personne, il est kafir, il est mécréant, et il n'est pas musulman. Réellement, cette personne n'est pas musulman. Pourquoi? Car il n'a pas réalisé cette condition de la ilaha illallah, à savoir al-yaqin. Au contraire, il avait un doute dessus. Mais vu qu'il ne nous l'a pas montré, ce doute, on agit en conséquence. C'est-à-dire, on lui affirme les statuts du musulman en apparence, et on remet son statut réel à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Mais si il apparaît que cette personne dit une parole ou fait un acte qui sont explicites dans l'indication de son doute quant au réel sens de la ilaha illallah ou sur l'un des principes fondamentaux de l'islam, cette personne-là, nous statuerons alors de sa mécréance sur base de cette parole et de cet acte-là, qui seront alors la cause, le manat de son takfir. Qui seront la cause de son takfir. Et cette parole et cet acte-là auront pour origine ce doute qui est présent dans son cœur. Cette parole et cet acte-là auront pour origine ce doute qui est présent dans son cœur. D'accord ? وقال الشيخ حفظ فك الله أسره وقال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وفي الحديث من مات وهو يعلم وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة رواه أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه يا الله تعالى دي يا الله témoigne que les hypocrites sont menteurs. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt tout en témoignant qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, avec véracité, c'est-à-dire que ce qu'il dit est véridique, il ne ment pas. Il le dit tout en y croyant réellement intérieurement, tout en sachant, en approuvant la ilaha illallah intérieurement, celui-ci entrera au paradis. Puis Cheikh Abu Mali a dit ash-shartu ar-rabi', la quatrième condition, as-sidqu wa dhiddu al-kadhib, la véracité, c'est-à-dire être véridique et exprimer réellement ce qu'on pense intérieurement, et son opposé, le mensonge, was-sidqu min qawli al-qalb, et cette véracité, as-sidq, cette loyauté fait partie des paroles du cœur. Je répète, paroles du cœur égale ma'rifatul qalb, les paroles du cœur c'est égale la connaissance du cœur. Donc celui qui n'est pas véridique et qui montre l'islam tout en cachant le kufr intérieurement, cette personne-là, nous statuerons tant qu'il ne commet pas d'acte, cette personne-là n'a pas réalisé l'islam réel qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc s'il meurt dans cet état, il éternisera en enfer. Quant à son islam en apparence, tant qu'il ne dit pas une parole ou ne commet pas un acte qui sont explicites dans leur indication de son démenti du message de l'islam et de son démenti de la ilaha illallah, tant qu'il ne commet pas cela, nous statuerons de son islam en apparence, et quand s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer éternellement, qu'Allah nous en préserve. Car le fait qu'il montre autre que ce qu'il pense et qu'il montre l'islam alors qu'il garde le kufr intérieurement, ceci est de l'hypocrisie, c'était la situation des hypocrites, et c'est pour cela que le cheikh a pris comme témoin le verset. Et Allah témoigne que les hypocrites sont menteurs lorsqu'ils venaient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont sûrs et certains qu'il est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et Allah ta'ala dit, et parmi les gens il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Ils les aiment comme on aime Allah. Et quant à ceux qui ont cru, leur amour est beaucoup plus grand, leur amour envers Allah est beaucoup plus grand que l'amour des associateurs envers leur divinité. Wa fil hadith, et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإلى آخر الحديث. الحديث متفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي من حديث أنس رضي الله عنه. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois choses. Celui en qui ces trois choses se trouvent, il trouvera alors et goûtera alors aux véritables délices de la foi. La première de ces choses est qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout autre. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout autre. La deuxième, la deuxième, qu'il aime, que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et la troisième, وَأَنْ يَكْرَهَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Et la troisième est qu'il détesterait revenir à la mécréance après qu'Allah l'en eût sauvé, comme il détesterait qu'on le prenne et qu'on le jette dans le feu, qu'Allah nous préserve du feu. الشَّرْطُ الْخَامِسَةُ, la cinquième condition, c'est l'amour, الْمَحَبَّةُ. وَضِدُّهَا الْبُغْضُ, et son opposé est la haine. Son opposé est la haine et la répulsion. On parle de la haine et de la répulsion religieuse. وَالْمَحَبَّةُ أَوَّلُ مَرَاتِبِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ. D'une manière générale, d'une manière détaillée, la volonté est la première des actions, parmi les actions du cœur. Puis après la volonté naît l'amour. Après la volonté naît l'amour. D'accord ? Mais d'une manière générale, la mahabba, l'amour, est la première des étapes, ou le premier degré parmi les degrés des actes du cœur. D'accord ? Donc, celui qui n'aime pas la ilaha illallah, et n'aime pas le sens de la ilaha illallah, et n'aime pas le fait que seul Allah mérite d'être adoré, celui-ci n'a pas réalisé l'islam. Et par conséquent, il ne sera pas musulman en réalité. Celui, par exemple, qui n'aime pas le fait que seul Allah mérite d'être invoqué, celui-ci n'est pas musulman. Et par conséquent, il n'entrera pas au paradis, il ne fait pas partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas réellement partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, celui qui n'aime pas que le fait, qui n'aime pas que le seul qui mérite qu'on sacrifie pour lui est Allah subhanahu wa ta'ala. Que le seul qui mérite qu'on sacrifie pour lui, pour se rapprocher de lui, est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'aime pas ça, celui-ci ne sera pas muslim. Et par conséquent, n'entrera pas au paradis, ne fait pas partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulul jannata illa nafsun muslima, n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et de même, celui qui n'aime pas, que le seul qui mérite de légiférer est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès lors que tu lui rappelles que le seul qui a le droit absolu de législation, et Allah n'est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, notre maître et seigneur. Dès lors que tu lui évoques cela, et que tu lui évoques que le droit de législation n'appartient en rien à la majorité parlementaire, ou à la nation, ou autre, parmi les égaux qui sont donnés à Allah, celui qui n'aime pas ce rappel, qui n'aime pas cette parole-là, qui n'aime pas ce principe fondamental de la religion, ce tawhid pour lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé tous les prophètes et tous les messagers, celui-ci n'est pas muslim et ne meurt pas sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni sur la milla d'Ibrahim alayhi salam. Et par conséquent, il éternisera éternellement en enfer. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc l'amour est une condition de la validité de l'islam réel, de l'islam par lequel on entre au paradis. Et son opposé, la haine, à savoir celui qui déteste la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, qui déteste le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui déteste le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui déteste l'unicité d'Allah dans son adoration. L'unicité d'Allah dans sa soumission. L'unicité d'Allah dans son jugement. L'unicité d'Allah dans son alliance. Celui qui déteste le fait que l'on rappelle que le seul qui mérite qu'on le prenne comme base d'alliance n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que prendre autre qu'Allah comme la patrie ou la nation comme base d'alliance, et sur cette base-là, on s'allie, on se désavoue, et on distingue entre les gens, celui qui déteste ce principe fondamental qui est l'unicité d'Allah dans son alliance, celui-ci ne sera pas musulman. Celui qui déteste le fait qu'on dise qu'il est strictement interdit aux musulmans de s'allier aux koufars et aux non-musulmans contre les musulmans et de les aider par quel que soit le moyen contre les musulmans, celui qui déteste ce rappel et ce principe fondamental de la religion, celui-ci n'est pas musulman et par conséquent ne fait pas partie de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en réalité et ne fera pas partie de ceux qui entreront au paradis et qui rentrent dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulu al-jannata illa nafsun musliman, n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Celui qui déteste le fait qu'on dise et celui qui déteste le principe qui est que le seul qui mérite qu'on revienne à lui pour trouver un jugement dans les litiges des gens n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que par conséquent ni l'ONU ni aucun autre tribunal tranche jugeant par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou aucune législation contraire à la législation de l'islam ne mérite d'être les sources sur les auxquelles on se réfère pour trancher les litiges des gens. Celui qui déteste ce refus de toute autre législation que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour trancher dans les litiges des gens et pour fixer aux hommes leur mode de vie, celui-ci n'est pas musulman et n'aura pas soumis son être exclusivement à Allah et n'aura pas aimé la ilaha illallah et bien au contraire cette personne fera partie de ceux qui ont été mentionnés dans le verset précédent, à savoir وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Ils les aiment comme on aime Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. Qu'Allah nous en préserve. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله تعالى دي certes ces gens là c'est à dire les mouchrikoun lorsqu'il leur était dit La ilaha illallah, il n'y a de véritable Dieu qu'Allah, il n'y a de véritable divinité méritant d'être adorée, qu'on se soumette à elle d'une manière totale et absolue, qu'on se soumette à elle et qu'on lui voue un respect total et absolu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il leur était dit La ilaha illallah, ils s'emplissaient d'orgueil. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'entrera pas au paradis celui dans le cœur duquel se trouvait le poids d'une fourmi noire de kibr. Et ici je traduis à dharra par la fourmi noire car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne connaissait pas encore le terme atome et dharra c'est la fourmi noire. Cette sixième condition, ash-shartu sadis, al-qabul wal-inqiyad wa dhidduhu al-kibr. C'est la sixième condition, donc l'acceptation et la subordination dont l'opposé est l'orgueil. Wal-qabul wal-inqiyad min a'mal al-qulub. Et l'acceptation et la soumission font partie des paroles du cœur. Font partie, afwan, des actes du cœur, non pas des paroles du cœur. Al-mustalzimatu li'amali jawarih, qui implique forcément la présence d'actes des membres du corps, Et la différence entre le qaboul et entre l'inqiyad, c'est que le qaboul huwa lil aqwal wa l'inqiyadu lil af'al. Al-qaboul, c'est par la parole, d'accepter par la parole le contenu de la ilaha illallah, et l'inqiyad, la subordination, c'est d'accepter par les actes le contenu de la ilaha illallah. Par conséquent, celui qui, par ses actes, impose ou établit des mausolées dans lesquels on va adorer autre qu'Allah, cette personne ne s'est pas soumise au sens de la ilaha illallah. Même s'il nous dit, je sais que l'invocation des morts est interdite. Que le sacrifice pour les morts est interdit. Si jamais il établit lui-même, ou il participe à la construction de mausolées, où on invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en connaissance de cause qu'autre qu'Allah va être invoqué. Et il établit cela, il établit des mausolées dans lesquels autre qu'Allah va être invoqué, autre qu'Allah va être adoré. Celui-ci n'aura pas réalisé une des conditions de la ilaha illallah qui est l'ilqiyad. De même qu'il a ce qu'il a subordination. De même celui qui construit des tribunaux dans lesquels autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera pris comme référence et comme juge suprême pour trancher dans les litiges. Comme les tribunaux contemporains aujourd'hui, les tribunaux constitutionnels dans lesquels les juges tranchent par des législations, sur base de constitutions contraires aux constitutions de l'islam et sur base de lois contraires aux lois de l'islam et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la permission d'ouvrir ces tribunaux, celui-ci n'aura pas réalisé la ilaha illallah, car par son acte, il ne se sera pas subordonné au sens de la ilaha illallah. Même s'il nous dit, je sais que le seul qui mérite de légiférer c'est Allah, je sais que la loi d'Allah est meilleure que toute autre loi, tant que par ses actes il ne s'est pas subordonné, soumis à la ilaha illallah et au contenu de la ilaha illallah, son témoignage de foi ne sera pas accepté. Et le qaboul, l'acceptation, et la soumission, la subordination sont des conditions de l'islam réel et de l'islam même statutaire, même l'islam al-hukmi en apparence. Par conséquent, celui qui ne se subordonne pas au sens et qui ne se soumet pas au sens de la ilaha illallah par ses actes, celui-ci, même en apparence, il ne sera pas musulman. Et de ce fait, les gouverneurs des pays arabes aujourd'hui qui imposent à leur peuple d'être géré et gouverné par des législations contraires à la législation, aux législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à des lois contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont établi des polices pour préserver ces lois contraires aux lois d'Allah, ceux-là ne se sont pas subordonnés au sens de la ilaha illallah, et ne se sont pas soumis au sens de la ilaha illallah, qui veut que le seul qui mérite de légiférer et de gérer la vie des hommes est Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas les hommes et leurs lois. Et le cheikh ici mentionne un point important qui dit que les actes du cœur impliquent les actes des membres du corps. Comment distinguer les paroles du cœur des actes du cœur? Il faut savoir que les paroles du cœur peuvent être présentes sans que cela n'implique la présence de paroles de la langue. Mais les actes du cœur ne peuvent pas être présents en l'absence des actes des membres du corps qui sont leur implication. Je m'explique ici. Quelqu'un peut croire que le hijab est obligatoire et dire que le hijab n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, celui qui dit que le hijab n'est pas obligatoire et qui sait que le hijab est obligatoire, il sort de l'islam. Pourquoi ? Car il a démenti par sa langue, il a démenti une chose connue dans la religion par nécessité, ou une chose que lui-même sait faire partie de la religion. Donc, il sortira de l'islam par cette parole. Mais est-ce que forcément, lorsqu'il a dit que le hijab n'est pas obligatoire, nous allons dire de lui qu'intérieurement, il ne sait pas que le hijab est obligatoire? Non, pas forcément. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Pharaon, وَجَحَدُوا فِرْعَوْنَ et ceux qui étaient avec lui, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Et ils l'ont démenti par la langue, c'est-à-dire ils ont démenti les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, alors que intérieurement ils avaient la certitude que ces signes venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? ظُلْمًا, par injustice, وَعُلُوًا, et parce qu'ils souhaitaient avoir le dessus sur terre et être élevés au-dessus de tout sur terre. Donc on voit ici que le fait que les paroles du cœur n'impliquent pas que l'absence ou non, que les paroles du cœur n'impliquent pas forcément des paroles de la langue, et que l'absence des paroles de la langue n'implique pas forcément l'absence des paroles du cœur. Ça c'est une chose. Les actes du cœur, s'ils sont présents forcément, ils impliquent la présence des actes des membres du corps. Donc quelqu'un qui aime Allah, forcément il va agir. Donc celui qui n'accomplit aucune bonne action, aucune action qui distingue le musulman du non-musulman, celui-ci, il ne peut pas aimer Allah réellement. Et nous prenons alors dans ce cas l'absence d'actes des membres du corps pour prouver l'absence des actes du cœur. D'accord ? Donc celui qui insulte Allah n'aime pas Allah. Celui qui insulte Allah ne peut pas aimer Allah, car l'amour d'Allah implique le respect d'Allah. L'amour d'Allah et le respect d'Allah impliquent l'absence d'insulte d'Allah. L'insulte d'Allah prouve l'absence d'amour et de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que l'insulte d'Allah prouve ou implique l'absence de connaissance, l'ignorance qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré? Non. Quelqu'un peut dire, peut insulter Allah, qu'Allah nous en préserve, pour un intérêt de dunya, tout en sachant qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Mais est-ce que cette connaissance qu'Allah est le seul digne d'être adoré lui sera utile pour être jugé comme musulman et pour entrer au paradis? Loin de là, jamais. D'accord? وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. Invoquez Allah et adorez Allah en lui vouant un culte exclusif, une soumission exclusive. وفي الحديث وفي الحديث المتفق عليه من حديث عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Utban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ta'ala, Allah a interdit à l'enfer toute personne qui a dit la ilaha illallah souhaitant par là le visage d'Allah, souhaitant par là le visage d'Allah. Al-Shartu al-Sabi'a, cette septième condition, c'est al-Ikhlas, al-Ikhlas, l'exclusivité. وَمَعْنَاهُ تَرْكُ الشِّرْكِ. Quel est le sens de l'ikhlas? C'est l'abandon du shirk. Et son opposé est le shirk. Celui qui n'abandonne pas le shirk, ni son islam réel, l'islam al-haqiqi, ne sera accepté, ni son islam al-hukmi, l'islam en apparence, ne seront acceptés. Je répète, celui qui n'abandonne pas le shirk, ni son islam réel ne sera accepté, ni son islam en apparence ne seront acceptés. Donc celui qui dit la ilaha illallah et en même temps il a une statue qu'il adore afin qu'il le rapproche d'Allah, la ilaha illallah ne lui sera pas utile jusqu'à qu'il se débarrasse de cette statue et qu'il n'associe plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit la ilaha illallah et dans le même moment il soutient les koufars contre les musulmans et il rentre dans le camp des koufars pour combattre les musulmans, son témoignage de la ilaha illallah ne sera pas accepté aussi longtemps qu'il ne délaissera pas ce shirk là qu'il est en train de commettre, à savoir prendre pour allié autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et soutenir les koufars contre les musulmans, qui est une forme de shirk dans l'alliance. Et Allah ta'ala nous dit qul afaghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Dis, est-ce autre qu'Allah que je dis, prendrai-je et chercherai-je autre qu'Allah comme allié? Fatir as-samawati wal ard, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Wa huwa yut'im wa la yut'am, alors que c'est lui qui nourrit et il n'est pas nourri. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, dis, certes il me fut ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al-mushrikin, et ne sois point du nombre des mushrikin. Et parmi les mushrikin, à savoir, parmi les mushrikin dans ce verset, il y a ceux qui prennent autre qu'Allah comme allié. Et parmi les formes de prendre et de prise d'autre qu'Allah comme allié, il y a le fait d'aider les koufars contre les musulmans et d'être dans leur camp contre les musulmans ou de s'allier à eux et de leur promettre de les aider contre les musulmans ou d'aimer les mécréants pour leur mécréance, d'aimer les chrétiens pour leur christianisme ou d'aimer les juifs pour leur judaïsme, c'est-à-dire à ce qui amène à aimer le kufr, à aimer la mécréance et à aimer le shirk, ou d'aimer les laïcs pour leur laïcité, ou d'aimer les démocrates pour leur démocratie, tout en ayant connaissance du véritable sens de la démocratie, à savoir qu'aujourd'hui, toute personne qui se donne le moindre mal pour connaître le sens de la démocratie va en comprendre le sens. Troisièmement, de soutenir les mécréants dans leur mécréance, comme ceux qui sont dans les polices mécréantes, qui sont dans les armées mécréantes, et qui participent à la stabilité de ces qui participent à la stabilité et à la continuité des jugements contraires au jugement d'Allah et aux lois contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que ces polices ou ces armées soient occidentales ou qu'ils soient arabes, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui fait partie d'une police occidentale ou quelqu'un qui fait partie d'une police maghrébine. Il n'y a aucune différence en cela. Tous ceux qui participent à la protection des lois forgées par les hommes, ceux-là ne sont pas musulmans et ceux-là sont mécréants. Au revoir les fatawis de Cheikh Abu Mohammed al-Maqdisi, hafidhahullah ta'ala, et d'autres, et de Cheikh Abu al-Walid al-Maqdisi et d'autres, hafidhahumullah ta'ala. Et parmi les écrits qui ont été composés sur le sujet, pour ceux qui veulent plus de détails, il y a le livre de Cheikh Abdel Hakim Hassan, hafidhahullah ta'ala, sur le hukm, le statut des soldats du Tarout, et que leur kufr est un kufr individuel, c'est-à-dire qu'on ne dit pas simplement qu'ils sont mécréants en général sans statuer de la mécréance de chacun d'entre eux, mais qu'au contraire nous disons qu'ils sont tous un par un mécréants. Tous ceux qui font partie d'une armée mécréante sont mécréants. Maintenant, si ces gens-là se sont repentis et souhaitent œuvrer pour l'islam, ces gens-là c'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que nous ne connaissons pas leur repentir, nous ne pouvons pas statuer de leur islam. Donc, parmi les formes de shirk dans l'alliance, il y a le fait d'aimer les mécréants pour leur mécréance, de les soutenir dans leur mécréance, de les approuver dans leur mécréance, et de les suivre dans leur mécréance. De les suivre dans leur mécréance. Et ces quatre points ont été évoqués par Cheikh Ali Khodir dans son charh de l'usul al-thalatha. Et pour plus de détails pour ces formes les différentes formes de shirk, revoir les écrits ou les paroles de Cheikh Abdel Majid al-Shadhouli qui ont été exposées dans la série Le chemin vers le paradis au chapitre Shirk fil wala, ou Shirk fil hukm, ou Shirk fil nusuk. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا أنهى الشيخ الآية. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما. الله تعالى دي quiconque désavoue le Tarout tandis qu'il croit en Allah aura alors saisi l'anse la plus solide. Et dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abu Malik al-Shijari radiyallahu anhu, selon son père radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'islam. Nous laisserons inshallah ensemble le commentaire de cette huitième condition parmi les conditions de la ilaha illallah pour le prochain cours inshallah ta'ala, car ça demande un certain nombre de détails à apporter afin que le sujet soit le plus clair possible inshallah ta'ala. Et sur ce, ce cours-ci se termine en rappelant une chose, c'est que la traduction ou les commentaires apportés sont tous tirés des paroles des gens de science, malgré que certaines fois je n'évoque pas les références, mais ils sont tous en majorité tirés des paroles des gens de science à travers les différents écrits qu'ils ont composés. Et je n'oublie pas de rappeler que ce modeste travail et cette modeste traduction est un effort humain qui, sans aucun doute, ne manquerait pas d'être manquant. toute erreur, tout ce qu'il y a de juste ne vient que d'Allah seul, et tout oubli ou erreur ou omission ne vient que du shaitan et de votre frère. Et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah, j'en demande pardon si c'est le cas. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.